Alphonse Allais, les modes de cet hiver. L'heure avancée, le courrier qui piaffe dans la cour, l'apéritif qui m'attend pantelant dans sa coupe, tout se conjure pour que j'emprunte à la plume d'autrui ma tâche de ce jour. Je ne sais pas si mon jeune et vaillant ami Narcisse Lebeau destinait à la publicité l'amicale épistole que je reçus de lui ce matin. Je n'ai de son intention qu'un souci relatif. Et puis d'ailleurs, je n'ai de comptes à rendre à personne. Quelques fragments de la dite correspondance. Voici que tel notre vieil ami Deblaire, les jours raccourcissent, mon cher Allais, et je comprends le désir qui te hante, au moment où tu vas rentrer à Paris, de savoir quelles sont les nouvelles modes, les récentes créations de nos grands couturiers, en un mot, ce qu'on devra porter cet hiver, sous peine de passer pour l'avant-dernier des conducteurs de bestiaux. Côté des hommes, nulle transformation palpitante, sauf en ce qui concerne le chapeau haute forme, lequel désormais sera à claire-voie pour permettre à nos élégants d'en faire une volière où prendront leurs ébats des oiseaux multicolores. Côté des dames, autre barcarolle. Sache qu'à partir de l'année prochaine, les jeunes filles ne se marieront plus en blanc. Cette couleur était trop salissante. En effet, une jeune mariée s'était à peine roulée dans le charbon de terre que sa robe n'était plus métable, d'où dépenses incompatibles avec la plupart des budgets parisiens. On adoptera pour les hyménées le costume mi-parti vert et rouge, plus économique et d'un effet autrement gai. Le marquis de la chaise percée, qui jeudi mariera ses deux filles à Saint-Augustin, a l'intention de leur faire porter le costume de son écurie, casaque bleue, manches et toques cerises. On ne sait encore laquelle des deux, Iseute ou Radegonde, aura l'écharpe dans cette épreuve bien parisienne. On a soupé aussi, me disait l'autre soir le prince X, des coiffures de mariée dont la fleur d'oranger fait tous les frais. La fleur d'oranger. À quoi rime, par le temps qui court, ce prétentieux symbole? Et le prince ajoutait, remplacez donc cet emblème usé par une bonne garniture de légumes frais, de légumes de pot-au-feu, de préférence. Et l'idée a si bien fait son chemin que déjà plusieurs de nos grandes modistes viennent d'adjoindre à leur magasin une petite fruiterie. Ces détails paraîtraient peut-être frivoles à tes lecteurs, mon cher Allais. N'oublie pas de dire à ceux de tes correspondants, qui s'étonneraient de notre sollicitude pour les choses de la mode, que toi et moi sommes dans la vie les derniers refuges du dandysme, et qu'il n'est pas de jour que Dieu fasse, on avouera que le bougre en fait quelques-uns, où nous ne mettions en pratique cette assertion de Baudelaire, le véritable dandy doit vivre et mourir devant sa glace. Au moins pour ce qui concerne la première partie de cette phrase remarquable. Permets-moi de terminer par une anecdote qui te montrera que pendant ton absence, nous n'avons pas cessé d'être le peuple le plus poli et le plus spirituel de la terre. Pas plus tard qu'hier soir, dans l'omnibus Gare Saint-Lazare, place Saint-Michel, un jeune homme chauve, qui gelait sur la plateforme, est allé offrir sa place à une vieille dame, logée au fond du véhicule. À bientôt, mon cher Allais. Je profite de ce que tu es à Honfleur pour te prier de me rapporter un gros coquillage avec cette inscription « Souvenir de Biarritz ». Ton vieux franco-russe Narcisse Lebeau. Sois tranquille, mon vieux Lebeau, tu auras ta conque. Te souviens-tu l'année dernière quand je suis revenu de Belgique et que je t'ai rapporté un bouchon sur lequel j'avais fait graver ces mots « Souvenir de Liège ». On était jeunes, alors. Ici se terminent les modes de cet hiver.